Voici, en une heure environ, de très larges extraits de la Symphonie pastorale, roman d'André Gide, écrit sous forme de journal et publié en 1925.